إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله وراقبوه سبحانه وتعالى مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة أو خيفة عذاب الله عباد الله إن من أجل الواجبات الدينية ومن أعظم القربات إلى الله جل وعلا الدعوة إليه سبحانه وتعالى والدعوة إلى سبيله قال الله تعالى وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين وقال جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فذكر جل وعلا في الآيتين الدعوة إليه سبحانه وتعالى والدعوة إلى سبيله serviteur d'Allah, craignez Allah et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala il vous surveille et il vous regarde alors adorez-le comme quelqu'un qui est conscient en tout instant et en tout moment à chaque parole et à chaque action que Allah subhanahu wa ta'ala l'entend et le regarde et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la piété qu'est-ce que ça signifie c'est une action qui est en accord avec l'obéissance d'Allah selon une science venant d'Allah subhanahu wa ta'ala une lumière et qui est faite dans l'espoir d'obtenir d'Allah subhanahu wa ta'ala sa récompense et c'est le fait d'abandonner la désobéissance d'Allah avec une science venant d'Allah subhanahu wa ta'ala une lumière et qui est faite le fait qu'on abandonne cette désobéissance, on l'abandonne par crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ça la définition de taqwa, la piété. Et serviteurs d'Allah, sachez que parmi les plus grandes obligations religieuses dans l'islam, et parmi les plus grands moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait d'inviter à Allah, d'appeler les hommes, à Allah, c'est-à-dire d'appeler les hommes à l'adorer, d'appeler les hommes à croire en lui, d'appeler les hommes à lui obéir, d'appeler les hommes à suivre son messager, d'appeler les hommes à suivre sa religion, d'appeler les hommes à son chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie « Et invite vers ton Seigneur et ne sois pas du nombre des mushrikines », c'est-à-dire ne sois pas du nombre des idolâtres. Ceux qui adorent d'autres avec Allah et qui font le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec une bonne exhortation. Et discute avec eux de la meilleure manière. Discute avec eux de la meilleure manière, c'est-à-dire, utilise avec eux les meilleurs arguments. Et la meilleure façon de discuter pour arriver à les convaincre de la vérité du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a mentionné dans ces deux versets qu'on doit inviter et appeler à son chemin. Amma ad-da'wah ilayhi فلأنه جل وعلا هو المعبود المقصود المراد بالدعوة وأما الدعوة إلى سبيله فلأنها طريقه الذي ارتضاه لعباده وصراطه المستقيم الذي لا يرضى لعباده طريقا سواه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله Et donc, le fait d'appeler et d'inviter les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-ma'boud. C'est-à-dire celui qui est adoré, celui qui mérite l'adoration et qui est le seul à la mériter. Et en ce qui concerne le fait d'inviter à son chemin et d'appeler à son chemin, c'est parce que c'est le chemin que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé pour ses serviteurs. Et c'est son chemin qui est droit. C'est un chemin dont il n'acceptera rien d'autre de personne. Si quelqu'un vient par un autre chemin que ce chemin, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accueillir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et voici mon droit chemin dans toute sa droiture et sa rectitude. Alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son chemin. Voilà en quoi il vous enjoint pour que vous puissiez atteindre la piété. وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ مَعَاشِرَ الْمُؤْمِنِينَ أَشْرَفُ وَظِيفَةٍ وَأَنْبَلُ عَمَلٍ وَهِيَ وَظِيفَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وسبيل أولياء الله المقربين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وبالدعوة إلى الله يميز الناس بين الحق والباطل والهدى والضلال والظلمات والنور ويميز الناس بين الكفر والإيمان والسنة والبدعة والصالح والفاسد Serviteur d'Allah, sachez que le fait d'inviter les hommes à Allah et à son chemin, c'est la tâche la plus noble, le travail le plus noble que quelqu'un peut faire, puisque c'est le travail et la tâche des prophètes et des messagers. Et c'est le chemin des adorateurs rapprochés d'Allah parmi les pieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qui est meilleur en parole que celui qui invite les hommes à Allah et qui fait des bonnes œuvres et qui dit « Je suis du nombre des musulmans ». Et par l'invitation à l'islam et par le fait d'appeler à Allah, il y a pour les hommes une distinction par la suite entre la vérité et le faux, entre la guidance et l'égarement, entre les ténèbres et la lumière. Et on peut permettre par la suite aux hommes de distinguer entre la mécréance et la foi, entre la sunna et la bid'a, l'innovation, et entre les choses mauvaises et qu'est-ce qui est bon. Wa bid'awati ila Allah azza wa jal. Yukhallisu an-nas min mahawi ar-radila wa munzalaqat al-fasad. Wa bid'awati ila Allah jalla wa ala tuharrar al-qulub من رين الذنوب وتسلط الشهوات ويكون بها إيقاظ للبصائر وللتطلع إلى رفيع الدرجات وعالي المقامات également par l'invitation à Allah subhanahu wa ta'ala, on arrive à libérer les hommes des différentes formes de saleté et d'impureté et de corruption et de désordre. Et en invitant à Allah, on libère les cœurs des péchés et de la tyrannie des désirs et des passions. Et c'est ainsi que les cœurs des hommes deviennent éveillés et illuminés en regardant vers les hauteurs plutôt que de regarder vers les bassesses. Ibad Allah. Wa da'watu ila Allah وظيفة جليلة وعمل شريف مبارك، وهو عبادة من العبادات وقربة من القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله. وكل قربة يتقرب بها المسلم إلى ربه لا بد أن تكون لله خالصة وللسنة موافقة. ولهذا قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقوله تعالى: أدعو إلى الله أو أدعو إلى الله، فيه تنبيه إلى الإخلاص وابتغاء وجه الله جل وعلا بالدعوة. وفي قوله على بصيرة تنبيه على لزوم العلم وضرورة الاتباع والائتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى sachez également que la da'wa à Allah, c'est une des plus grandes formes d'adoration bénie par lesquelles le musulman peut se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute adoration que le musulman fait pour se rapprocher à son Seigneur, elle doit être faite avec pureté d'intention et avec sincérité pour Allah seul. Et elle doit être faite en accord avec l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce qui signifie, dit ô Muhammad, voici mon chemin, voici ma voie. J'invite les hommes à Allah avec connaissance, avec science et compréhension, à la basira, moi ainsi que ceux qui me suivent. C'est-à-dire que c'est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui le suivent. Donc ceux qui suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doivent inviter à Allah, puisque ça fait partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui le suivent. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, dit au Muhammad, j'invite à Allah, il y a dans ça une note sur l'importance de la sincérité et de la pureté de l'intention lorsqu'on invite à Allah, pour que cette invitation à Allah soit uniquement dans le but de rechercher le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément uniquement. Et lorsqu'on dit « ala basira », c'est-à-dire qu'il faut appeler les hommes à Allah et à l'islam avec science, et que c'est nécessaire et obligatoire de prendre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on invite à Allah. Ibad Allah, al-da'ayatu ila Allah la budda an yakuna fi da'watihi mukhlisan lillah yabtaghi bi'amalihi wajha Allah la yad'u ila Allah min ajli ash-shuhrah yarjuha wala dunya yatma'u biha wala mahmada وثناء من الناس يقصده، وإنما يدعو إلى الله جل وعلا متقربا بدعوته إليه راجيا بذلك ثوابه وأجره سبحانه وتعالى. سامت الله. La personne qui invite à Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit être pure et sincère dans ses intentions lorsqu'elle invite. Elle doit faire cela dans le but de rechercher le visage d'Allah et non pas de rechercher la célébrité, de devenir célèbre, d'être connu, ou de rechercher ou de vouloir obtenir par cela des désirs ou des choses de la dunya, ou de recevoir des glorifications et des éloges de la part des hommes. Mais elle doit inviter à Allah uniquement dans le but de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette invitation, et en espérant par cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ لَا بُدَّ أَن تَكُونَ وِفْقَ السُّنَّةِ فِي ضَوْءِ هَدْيِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ومن دعا إلى الله بغير علم وبدون اتباع فإنما يفسده أكثر مما يصلحه كما جاء نحو هذا المعنى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. Et également, serviteur d'Allah, l'invitation à Allah doit être faite selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la guidance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui invite à Allah sans science, sans connaissance de la sharia, sans connaissance de la aqidah, sans connaissance du tawhid, sans connaissance des règles de fiqh, et des principes de tafsir et des règles de la religion, eh bien, yani, ce qu'il corrompt est plus que ce qu'il réforme. Celui qui appelle à Allah sans science et sans suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait plus de désordre que de bien. Et ça c'est manifeste dans l'exemple des groupes de bid'a qui existent aujourd'hui et dont on a parlé dans des khutabs précédentes, comme par exemple les groupes des frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimoun, et les groupes d'établir, et d'autres groupes parmi les groupes de bid'a, comme les groupes de Khawarij, comme Daesh, et ceux qui les suivent, comme Al-Qaïda, et toutes les autres tendances de Khawarij. Puisqu'on constate que ces gens prétendent appeler à la charia et appeler à l'islam, mais le désordre qu'ils causent est beaucoup plus grand que le bien, parce qu'ils ont contredit l'islam et la charia d'Allah et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pourquoi leur da'wa n'a pas de succès. Ibad Allah, la budda fi da'wati min rifqin bil mad'uwin ولين جانب معهم ومعاملة لهم بالمعاملة الطيبة لأن من كان فظا غليظا سيء المعاملة لن يحظى بقبول لدعوته بل سينفض الناس من حوله قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال جل وعلا لموسى ولأخيه هارون عليه السلام فقولا له قولا لينا أي لفرعون لعله يتذكر أو يخشى. Serviteur d'Allah, sachez que lorsqu'on invite les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala et à son chemin, il faut faire preuve de douceur pour la personne qu'on appelle. Et il faut agir avec douceur avec eux et d'une bonne manière. Parce que si nous sommes rudes et durs envers eux, eh bien, c'est certain que les personnes n'accepteront pas cet appel et cette invitation. Et c'est certain que ces personnes s'enfuiront et s'écarteront de notre appel. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, et c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as été doux envers eux. Mais si tu aurais été rude et dur de cœur, ils se seraient certes écartés de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Moussa alayhi salam et Haroun, lorsqu'ils sont partis pour inviter Pharaon à Allah, et dites-lui, c'est-à-dire à Pharaon, une parole douce pour qu'il puisse se rappeler et craindre. Et donc ça montre que même envers les personnes les plus grands transgresseurs, il faut même avoir de la douceur lorsqu'on les invite. وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّاعِ إِلَى اللَّهِ مُتَحَلِّيًا بِالصَّبْرِ فَإِنَّهُ سَيَنْثَنِي مِنْ أَوَّلِ الطَّرِيقِ قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et donc, la personne qui invite à Allah, subhanahu wa ta'ala, elle doit également se parer d'endurance et de patience. Elle doit faire preuve de patience, sinon elle va se décourager. Elle va se décourager et abandonner la da'wah depuis le début. Elle ne pourra pas continuer sur le chemin de la da'wah, parce que le chemin de la da'wah, le chemin de l'appel à Allah et de l'invitation à la sunna et au Coran et au tawhid, c'est un chemin difficile, puisqu'on appelle les hommes à contredire leurs désirs, à contredire leurs passions, à aller en contradiction avec ce que leurs désirs et leur âme leur suggèrent de faire. Et donc, ça demande beaucoup de passion, parce que lorsqu'on appelle les hommes à Allah, c'est normal et c'est automatique qu'on aura beaucoup d'opposition. On aura à faire face à beaucoup d'opposition de la part des koufars, de la part des mouchriquins, de la part des pécheurs, de la part des gens de bid'ah, de la part des gens qui veulent suivent leurs désirs et leurs passions et qui ne veulent pas obéir à Allah et à son messager. Beaucoup d'opposition. Et donc, il faut donc avoir de la patience et de l'endurance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sois donc patient, comme les messagers qui ont eu de la fermeté ont eu de la patience. Et il dit, par le temps, certes, l'homme est en perte, excepté ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres et qui se sont enjoints les uns les autres la vérité et qui se sont enjoints les uns les autres la patience et l'endurance. وَالدَّعِيَةُ إِلَى اللَّهِ لَا يَمْلِكُ هِدَايَةَ النَّاسِ لَا يَمْلِكُ هِدَايَةً لِلنَّاسِ وَلَا صَلَاحًا لِقُلُوبِهِمْ فَالْهِدَايَةُ بِيَدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام خير الدعاة وإمامهم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولهذا فإن الداعي إلى الله جل وعلا يمضي في دعوته متوكلا على الله طالبا مدده وعونه ومنه وتوفيقه. قال الله جل وعلا عن نبيه شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Serviteur d'Allah, sachez que la personne qui invite à Allah ne détient pas le pouvoir et la capacité de guider les cœurs et de réformer les cœurs, puisque la guidance appartient uniquement à Allah et c'est uniquement quelque chose qui est entre les mains d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète qui est le meilleur de ceux qui ont invité à Allah et l'imam de ceux qui ont invité à Allah, tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais certes Allah guide celui qu'il veut. Donc c'est Allah qui guide. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, ce qui signifie وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. C'est-à-dire, même si tu le désires ardemment, la plupart des hommes ne croiront pas. Même si tu le désires ardemment, la plupart des hommes ne croiront pas. Et donc, c'est pour cette raison que la personne qui invite à Allah, elle doit être continuée dans sa da'wah en mettant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et en recherchant de lui son aide et son support et son succès. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Shu'aib, je ne veux, il mentionne les paroles de Shu'aib, lorsqu'il a appelé son peuple, il a dit ce qui signifie, je ne veux la réforme que selon ma capacité. Tout ce que je veux, c'est la réforme et le bien, selon ma capacité. Et mon succès n'appartient qu'à Allah. C'est en lui que je mets ma confiance et c'est vers lui que je retourne repentant. وَلِهَذَا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ الْجَدِيرَ بِالدَّاعِيَةِ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَالِصًا صَادِقًا أن ينفع بدعوته وأن تأتي ثمارها وأكلها وأن يشرح صدور الناس لقبولها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أحاديث كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد أم أبي هريرة. وجاء عنه في هذا المعنى أحاديث كثيرة. Serviteur d'Allah, il est important pour la personne qui invite à Allah d'invoquer Allah avec sincérité et avec véracité pour que son invitation et son appel soient bénéfiques et qu'elles produisent des bons fruits et que le cœur des hommes soit ouvert à l'acceptation de son invitation. Et cela a été rapporté dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple lorsqu'il a dit: « Oh Allah, guide Daous et ramène-les, la tribu de Daous. » Il a fait des doigts pour eux, pour que Allah les guide. La même chose, il a fait également pour la mère de Abu Huraira, radiallahu anhu. Il a dit: « Oh Allah, guide la mère de Abu Huraira. » Et elle s'est convertie à l'islam. « Ibad Allah. » والدعوة إلى الله تتطلب صدقا من القلب، من قلب الداعي. وإذا كان الداعي صادقا يدعو إلى الله من قلبه، فإنما نبع من القلوب وصل إلى القلوب. وأما ما يخرج من الألسن فقط فإنه لا يتجاوز الأسماع. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله ليجزي الله الصادقين بصدقهم. Serviteur d'Allah, l'appel à Allah nécessite également de la véracité dans le cœur de la personne qui invite à Allah. Lorsque vous invitez quelqu'un à Allah, soyez sincère dans votre cœur pour cette personne. Soyez sincère, et si votre parole sort réellement de votre cœur, elle rentrera dans le cœur de la personne à qui vous parlez. Tandis que si vous faites uniquement parler avec la langue, sans le cœur, eh bien cette parole ne dépassera pas les oreilles. C'est-à-dire qu'elle n'entrera pas dans le cœur. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il y a parmi les croyants des hommes sincères et véridiques qui ont respecté l'engagement qu'ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Certains sont morts et d'autres continuent. Ils attendent encore, mais ils ne changent pas. Ils restent fermes pour que Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui sont sincères pour leur sincérité. Wa ahammu ma fi hadha al-bab al-iqtida' tam wa al-ta'assi al-kamil qadra al-mustata' bi nabiyyina alayhi as-salatu was-salam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. Et également, le plus important de tout, c'est de se baser sur l'exemple du prophète صلى الله عليه وسلم, selon la capacité, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit: il y a certes pour vous dans l'exemple du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم la meilleure exemple pour celui qui espère en Allah et en le jour dernier et qui se souvient beaucoup d'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن من الأمور المتقررة المعلومة أنه ما من مبدأ من المبادئ ولا أمر من الأمور لا ينهض في الناس ولا يتسع انتشاره بينهم إلا بدعوة تقوم على ذلك. ولهذا فإن من وراء انتشار المبادئ الهدامة والدعوات المضلة والبدع المفسدة دعوات متواصلة وعمل دؤوب من أربابها وأهلها في سبيل نشرها في الناس وتوسيع مساحتها بينهم. ولما ينشط دعاة الرذيلة وأرباب الفساد في نشر فسادهم ورذائلهم بين الناس يبدأ الفساد يدب شيئا فشيئا بسبب الدعوة والنشاط في نشره. Serviteur d'Allah, sachez une chose très importante après avoir la crainte d'Allah, c'est que parmi les choses qui sont confirmées, qui sont connues, mais que parfois on oublie ou on néglige, c'est qu'il n'y a pas un principe ou une idéologie ou un système de corruption et de désordre et de mécréance qui se propage, excepté qu'il y a parmi les hommes des gens qui travaillent pour la diffuser et la propager. C'est-à-dire que de la même manière que les prophètes ont invité les hommes à Allah et ont appelé au tawhid et à l'islam, et que les ulama de l'islam défendent l'islam et la sharia d'Allah et appellent à Allah, eh bien de la même manière il y a parmi les hommes des shayatin, al-ins, qui invitent au kufr, qui invitent au shirk, qui invitent à la mécréance et à la bid'a et à l'égarement et au péché et à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas une bid'a ou un kufr ou un shirk ou un égarement ou une idéologie de mécréance qui se propage parmi les hommes, excepté qu'il y a parmi les hommes des gens qui travaillent pour la propager et qui invitent les hommes à la suivre. Sinon, ces idéologies et ces systèmes et ces pensées ne peuvent pas se propager toutes seules et ne peuvent pas avancer toutes seules. Et donc, toutes les voies d'égarement, les voies contradictoires avec les voies de l'islam, les innovations et les corruptions, elles sont propagées par le travail continu des gens qui invitent et qui appellent à suivre ces voies d'égarement-là et qui les propagent parmi les hommes et qui font des efforts continus, jour et nuit, sans arrêt, pour faire en sorte que la corruption et le désordre et la mécréance et l'idolâtrie et le shirk soient propagés. Et par différents noms et différentes idéologies, que ce soit la laïcité, que ce soit la démocratie, que ce soit d'autres idéologies, l'athéisme, hein, et d'autres systèmes, et d'autres pensées, ou d'autres croyances, le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme. Pensez pas que ces croyances et ces religions et ces idéologies se propagent toutes seules. Il y a des gens qui travaillent pour que ces idées-là se propagent. Et si les musulmans ne travaillent pas pour propager le tawhid et appeler au tawhid et faire des efforts pour que la sunna se propage, eh bien, non seulement la sunna et l'islam et le tawhid ne vont pas avancer, mais c'est nous qui allons nous faire inviter à des idéologies, à des systèmes de mécréance. Donc on a dit, lorsque on voit ces choses qui commencent à se propager parmi les hommes, c'est à cause de ceux qui propagent ces idéologies-là et qui invitent les hommes à les suivre. وإذا ابتلي الناس في وقت من الأوقات بهمجات شرسة من دعاة الرذيلة وأرباب الفساد في نشر رذائلهم وفسادهم فإن المقام عباد الله يتطلب من أهل الحق والهدى والبصيرة والسداد أن ينشطوا وينهضوا للدعوة إلى الحق والهدى كل قدر استطاعته فالرجل مع أهله وأولاده كل قدر استطاعته نصحا لدين الله ودعوة إلى الله جل وعلا وإلى سبيله القويم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال جل وعلا مثنيا ومنوها بمكانة نبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Donc, serviteur d'Allah, qu'est-ce qu'on doit faire lorsque des gens font beaucoup d'efforts pour prêcher Surtout depuis les derniers temps, on voit que des gens commencent à critiquer l'islam, critiquer la charia de l'islam, critiquer les principes de l'islam. Chacun d'entre nous, parmi les musulmans, lorsqu'on critique notre religion, on doit se sentir responsable. On doit savoir qu'on a une part de responsabilité dans la défense de notre religion et de nos principes. C'est une obligation pour le musulman. On ne peut pas dire, ça concerne les autres, ça ne me concerne pas moi. Certains, parmi les ennemis de l'islam, parmi les gens qui appellent à la laïcité et à la démocratie, qui essaient d'inviter les musulmans à suivre ces idéologies, ils disent, pourquoi vous venez dans nos pays pour rappeler à vos idées et à votre religion ou à vos croyances ou à vos choses qui sont en contradiction avec nos valeurs. Ici, ils disent, nous avons nos valeurs qui sont les valeurs laïques. Et donc, on n'accepte pas que quelqu'un vienne dans nos pays pour contredire nos valeurs laïques. Eh bien, sachez, mes chers frères en islam, serviteurs d'Allah, que les valeurs laïques, non seulement elles sont propagées ici, dans des sociétés laïques, mais qu'ils font tout leur possible et utilisent tous leurs moyens pour faire en sorte que ces principes et ces valeurs de laïcité et de mécréance soient propagées dans nos pays musulmans. Et ils propagent ces valeurs dans les pays musulmans avec l'argent, avec l'aide internationale, avec leurs armées et avec tous les efforts qu'ils peuvent, les médias et la télévision et les films et toutes les propagandes possibles pour faire en sorte que les musulmans abandonnent les principes de l'islam et commencent à adopter les valeurs de kufr et de shirk et d'égarement de la laïcité. Et donc, comment ils peuvent nous dire que ici, nous, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'inviter à l'islam et au tawhid d'Allah, à l'adoration d'Allah seul et au rejet de tout ce qui est adoré en dehors de lui, à le respect de nos parents et l'obéissance aux parents qui fait partie des fondements et des valeurs fondamentales de l'islam, le respect des prophètes d'Allah et des livres d'Allah et de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala qui est la base de nos valeurs, on n'a pas le droit d'inviter les hommes à ça. Et on n'a pas le droit d'inviter à la charia qui vient d'Allah et qui a été enseignée par les prophètes d'Allah. Mais on est obligé de se soumettre et de se taire. Alors sachez que non. C'est une obligation et un devoir pour les musulmans de combattre les idéologies qui contredisent l'islam et qui opposent l'islam. Mais pas avec le terrorisme. C'est pas avec le terrorisme qu'on sera capable de combattre les idéologies de mécréance. Et ce n'est pas avec le terrorisme qu'on sera capable de combattre l'ignorance et l'égarement de la laïcité. Ce n'est pas avec le terrorisme qu'on va être capable de combattre l'ignorance et l'égarement de la démocratie qui oppose les lois et la religion d'Allah et la religion de tous les prophètes, en commençant par Abraham, Moïse, Jacob, Isaac, Jésus et tous les prophètes que Allah a envoyés. Aucun d'entre eux n'a jamais enseigné la démocratie ni la laïcité. Donc, il faut savoir, et vous ne devez pas avoir honte de ça, vous devez être fier de ça, fier de votre religion. Et si on vous demande, vous devez avoir la tête haute et défendre votre religion, mais pas avec le terrorisme, mais avec la science de l'islam, avec la connaissance de votre religion. La connaissance du tawhid, être capable de l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas musulman, et à quelqu'un qui est musulman, de l'expliquer avec preuve, avec science. Vous devez également avoir la connaissance des règles de la charia, dans les détails, les principes, pour être capable de réfuter les mensonges qui sont propagés à propos de l'islam sur ces questions-là. Pour avoir la fierté de votre religion et la tête haute. Donc, ce n'est pas avec la violence, l'agressivité, le terrorisme, parce que toutes ces choses-là, c'est des choses qui opposent l'islam et qui contredisent les enseignements de l'islam et qui opposent la voie des salafs et la salafia. Non, c'est par la science, c'est par l'enseignement, c'est par l'éducation,